Les joueuses coréennes se sont classées premières au championnat régional d'Asie-Est des filles de moins de 14 ans de la Confédération asiatique de football 2016. Les coréennes ont battu au groupe B les footballeuses taïwanaises de Chine, de l'île de Guam, de Hong Kong de Chine et à la demi-finale les sud-coréennes. À la finale, elles ont marqué 3 buts à 0 contre les japonaises pour ainsi obtenir le championnat.